Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans les mécaniques des ondes sur Fréquence Protestante. Comme tous les mois, on va parler de radio en nous intéressant au parcours des personnalités qui font vivre ce beau média. Et ce mois-ci, on se rend direction rue François 1er... Ah non, c'est vrai, non, ils ont déménagé depuis un moment, ouais, c'est vrai. Rue des Cévennes, où siège Europe 1, donc désormais une antenne rythmée tout au long de la journée depuis bien longtemps, depuis sa création par des speakerines, qu'à Europe, il faut appeler meneuse de jeu, terme qu'on doit à Lucien Maurice qui dirigeait les programmes d'Europe 1 dans les années 60, voilà, ma petite parenthèse historique. Mon invité en a fait sa profession, elle se nomme Anissa Haddadi, bienvenue dans la mécanique des ondes. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Et ce serait un tort, je pense, de réduire le rôle de meneuse de jeu à simple speakerine, puisque vous faites plus que d'annoncer les titres, les émissions, je pense. On fait plein de choses, ouais, effectivement. Après, le métier s'est développé, puis le métier il s'est adapté aussi à ce qui se passait à l'antenne, c'est-à-dire qu'il y a une époque, on était vraiment sur un rôle de speakerine. Après, il y a les pubs en direct qui ont commencé à arriver. Alors ça, c'était très marrant, parce qu'on a quand même des souvenirs dans les archives de fou rire pendant les pubs en direct. Et puis ensuite, certaines sont devenues co-animatrices. Je pense que le plus grand exemple aujourd'hui, notre maîtresse à tout, notre déesse, c'est Julie quand même, qui est là depuis 43 saisons. La grande Julie d'Europe 1. Exactement, Julie d'Europe 1, dont le nom de famille est Europe 1, hein, vous l'aurez remarqué. Oui, deux plus loin, Europe 1. C'est Julie d'Europe 1. Et effectivement, Julie, elle a été co-animatrice, elle a bossé avec tout le monde, avec Coluche, avec Jean Roucas, avec Laurent Baffy. Elle a été vraiment aux côtés de Ruquier, de tous. Elle a été aux côtés des plus grands. Et ouais, on est co-présentatrice, animatrice, meneuse de jeu, enfin, on est les voix antennes, ce que vous voulez. Alors, on va y revenir plus en détail au cours de l'émission, mais là, je voudrais commencer avec la traditionnelle question. Anissa, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Bah, exact, ça me rappelle tous mes débuts. Je suis pleine d'émotions là autour de cette table aujourd'hui. Sauf que, alors, vous, c'est en sous-sol. Et moi, c'était au Grenier que j'ai commencé, dans une radio associative qui s'appelle Radio Arverne, qui existe toujours. Et j'étais avec eux il n'y a pas très longtemps, j'étais avec eux au mois de mars 2019, là, il y a quelques mois, parce qu'on a fêté les 30 ans de la radio, et j'étais très très heureuse. Alors, ils sont plus dans le Grenier, c'est bien dommage, maintenant ils ont des super locaux et tout. Nous, à l'époque, voilà, on était au Grenier, dans le Grenier d'une maison des associations, à côté de Clermont-Ferrand. J'ai commencé, j'avais 12 ans. C'est l'ami de mon papa qui m'a proposé de venir pour la fête des mères lire un poème. Il avait envie d'avoir des voix jeunes à l'antenne qui lisaient des poèmes pour la fête des mères. J'ai fait ça et là j'ai eu... vous savez comme quand vous êtes piqué par une guêpe ou la mouche tsetse, j'ai ressenti un truc et là j'ai dit ah mais je peux revenir dimanche prochain et puis dimanche prochain et puis dimanche prochain. Et j'ai fait ça de 12 à 18 ans. Donc c'est comme ça que le virus est venu. C'est ça, exactement. Et du coup, par rapport à vos études, alors, pour commencer déjà, à Radio Arverne, vous faisiez d'autres émissions, non? Vous aviez commencé à prix? Alors, je faisais cette émission avec lui, qui faisait une émission tous les dimanches de midi à 14h, qui était une émission beaucoup de dédicaces et de messages aux personnes qui étaient en prison. Donc, on s'adressait aux détenus et à leurs familles. Et puis après, ça s'est un peu plus élargi, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui appelaient pour faire une dédicace à quelqu'un qui était parti en voyage. Il n'y avait pas hein, les smartphones et tout. Moi, je vous parle d'une époque, je crois que vous n'étiez pas né. Dit, hein. J'ai grandi dans les années 90. Vous étiez tout petit, alors je crois que vous écoutiez pas la radio. Je vous parle d'une époque, effectivement, on n'avait pas les smartphones, internet très peu, etc. Donc les gens communiquaient beaucoup par la radio. Donc on envoyait un message, vous étiez en voyage, bonjour Anissa, je voudrais écouter une chanson pour Eddy qui est parti en voyage à Marseille, etc. Et tout. Et malheureusement, la personne avec qui je faisais cette émission est décédée très brutalement. Et j'avais 15 ans et j'ai décidé de conserver cette émission en sa mémoire, etc. Alors, ça engage à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a 15 ans, on est au lycée, on a envie de sortir avec les copains et les copines. Mais non, parce que moi, j'avais mon émission le dimanche et c'était ma priorité. Je ne voulais faire que ça. Je faisais rentrer mes parents de vacances le samedi soir pour pouvoir être le dimanche à la radio. Ils m'en ont beaucoup voulu, mais ils m'ont beaucoup encouragé. Donc, c'est ça qui était chouette et c'est pour ça que j'ai continué aussi. Donc le virus l'a vraiment carrément pris, littéralement. Ah oui, non mais j'étais complètement droguée, oui, on peut le dire. Hein. Alors par rapport à vos études, justement, la radio, ça a aussi guidé vos choix d'orientation? C'est-à-dire que mes parents ont été très clairs, ils m'ont dit on te laissera faire de la radio, il n'y a aucun problème, ils n'avaient aucun problème là-dessus. D'autres parents auraient pu être beaucoup plus fermés et dire c'est un loisir, mais tu feras un métier sérieux à côté. Eux, ils m'ont dit si tu veux en faire ton métier, t'en feras ton métier, il n'y a pas de problème, mais il y a une seule condition, tu passes ton bac et tu l'as. Le fameux. le fameux bac, passe ton bac d'abord. Et donc, j'ai tout donné. L'école est redevenue quelque chose d'hyper sympa parce que j'avais cet objectif de pouvoir faire de la radio. Donc, j'ai tout donné pour avoir mon bac que j'ai eu. Mais j'ai fait un bac cinéma. Donc, j'ai quand même réussi à allier des choses que j'aimais. Et une fois que j'ai eu mon bac, j'ai réussi j'ai même pas eu de grandes difficultés. J'ai dit à mes parents, j'ai trouvé une école de radio. Ils m'ont dit, écoute, nous le deal, c'était à ton bac. Maintenant, tu nous dis ce que tu veux. J'ai trouvé une école de radio. Ils m'ont dit, fonce, on t'encourage. Je suis partie à Paris. Ils m'ont aidée, soutenue financièrement, moralement, psychologiquement, à tous les niveaux. Et j'ai fait l'école de radio. Alors, je vais juste revenir sur le bac cinéma dont vous parliez. Mmh. Je crois que le cinéma, c'était aussi une autre passion. Ouais. Une très grande passion, ouais. Mais alors, comment la radio a pu prendre le dessus sur le cinéma, du coup ? Le cinéma, c'était une grande passion, mais une passion et passion et loisir. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus effrayée par le milieu du cinéma en termes de métier. J'avais beaucoup plus peur d'en faire mon métier, alors que la radio, c'était une évidence. Mais la radio, je me suis même jamais posé la question. Un jour, j'ai vu la conseillère d'orientation au lycée. Alors, ça, c'est des moments magiques à chaque fois. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « je vais être animatrice radio. » Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Alors, très bien, mais ce n'est pas un métier. Donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Je dis non mais si c'est un métier, quand vous allumez votre radio vous entendez des gens dans le poste. Elle me dit oui mais c'est un loisir, ils font ça en plus d'un vrai métier. Alors j'ai dit écoutez je pense que vous n'êtes pas très bien renseigné. Elle me dit écoute, ramène-moi une fiche de paye où dessus il y a marqué animateur radio et dans ce cas-là je changerai mon... Alors je l'ai revue il y a 5 ans où je lui ai amené ma fiche de paye et elle l'a très bien pris. Hein. Je pense qu'elle se souvenait même pas de l'anecdote, mais moi je lui ai rappelé. Et voilà, la radio, c'était une évidence. J'avais aucun doute. Je savais que ça allait bien se passer. Le cinéma, c'est une vraie grande passion, mais voilà, je me voyais pas en faire mon métier. J'étais beaucoup plus effrayée par le milieu du cinéma que par celui de la radio. Et donc du coup, vous évoluez. Donc vous l'avez dit, c'est le Studec. Le studio École de France, ouais, j'arrive à Boulogne juste après mon bac. Les studios étaient à Boulogne-Billancourt, maintenant ils ont une superbe école à Issy-les-Moulineaux. J'ai passé deux années formidables, géniales, avec que des passionnés de radio, des gens de mon âge, où en fait on allait en cours pour parler dans un micro. Enfin, c'était le paradis sur Terre. Moi, si mes études avaient pu durer 15 ans, elles auraient duré 15 ans. Et voilà, c'était très chouette. Et j'ai appris des choses, même en ayant fait de la radio depuis toute jeune, j'ai encore appris des choses parce qu'on a des tics de langage, parce qu'on sait pas tout, et parce que là, en plus, on est guidé par des professionnels. Mmh. Au studio École de France, les gens qui donnent des cours sont des professionnels de la radio, donc c'était chouette. Et des professionnels, vous en avez croisé également, je pense. Alors, vous avez été assistante de production à RTL, mais ça, c'était dans le cadre du stage ouais, Studec, hein, c'est exactement. Ça. Exactement. Au Studec, en fait, c'est simple, on a cours qu'en demi-journée. Donc, la première année, on a cours l'après-midi et le matin, on est en stage, et inversement, en deuxième année. Et moi, ma priorité, c'était de faire des stages, côtoyer des professionnels, côtoyer le vrai grand milieu de la radio. Et il y avait une radio qui a bercé mon enfance. Alors, il y a eu Europe 1. Alors ça, c'était chez mes grands-parents. Et chez mes parents, c'était RTL. Et mon premier stage, c'était à RTL. J'ai eu une chance folle d'avoir ce stage. Et j'étais assistante de production, ce qu'on fait au début. C'est-à-dire qu'on écrit des fiches, on fait des photocopies, on assiste les émissions, on passe des coups de fil, on trouve du public. Enfin, j'ai fait tous les postes possibles et inimaginables. Sur les grosses têtes avec Philippe Bouvard, sur le Qui tout double avec Jean-Pierre Foucault, sur une émission avec Christophe de Chavannes, une émission qui avait à 19h tous les soirs. C'est votre vie. Enfin voilà, j'ai plein de très bons souvenirs et j'ai appris plein de choses à RTL, notamment avec Michel Garnier, le directeur des programmes et des divertissements. Ça vous mettait pas la pression de vous retrouver déjà dès le départ jeune face à ces grosses pointures dans non, une grande maison ? Non, alors pas la pression parce qu'en vrai mon rôle était assez minime, alors important certes parce que s'il n'y a pas ces petites mains, ces émissions elles se font pas ou en tout cas elles se font différemment. Mais non, j'avais pas l'impression. J'étais émerveillée, j'avais envie de prendre tout ce que ces gens me donnaient. Dès qu'ils me donnaient un conseil, dès qu'ils disaient une phrase, même si c'était minime, je prenais tout. J'étais une éponge, j'étais en soif d'apprendre, en soif d'observation. Je voulais tout prendre de ce que ces professionnels arrivaient à donner à l'antenne de leur parcours. Et quand vous êtes assistante de Jean-Pierre Foucault... On s'est recroisé avec Jean-Pierre Foucault, il se souvient absolument pas de moi, évidemment. Mais j'ai tellement appris à leur côté et aux côtés de leurs assistants, de leurs réalisateurs. Alors, Je devais travailler que l'après-midi, je revenais le soir, des fois je venais plus tôt, des fois il y avait un cours qui était annulé au Studec, donc j'arrivais à RTL à 10h le matin, on me disait non mais attends, faut venir qu'à 14h. Je venais les week-ends, j'étais ouais, une éponge et je me remplissais, ça me nourrissait, c'était génial. Et là vous mangez sans modération, littéralement. C'est ça. Alors on va faire une première pause musicale à Nissa. Alors comme d'habitude, l'invité choisi fait la programmation ça de cette émission. C'est super dur ça, hein, ce que vous m'avez demandé. Ah bon, parlez pas, moi, si on me demandait la même chose, ça, j'aurais galéré. Premier choix musical, Ed Sheeran. Pourquoi ce choix? Alors j'aime bien Ed Sheeran, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on entend un peu souvent les mêmes chansons. On nous fait écouter souvent des titres un peu commerciaux. Celui que j'ai choisi, c'est un titre qui me fait penser à mes goûts musicaux, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la musique noire des années 60-70, j'écoute beaucoup Etta James, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Stevie Wonder, voilà, c'est des artistes que j'écoute chez moi, sur des vinyles en plus, parce que je suis un peu à l'ancienne. Et je trouve que ce morceau d'Ed Sheeran, quand je l'écoute, déjà il me fait du bien, parce que je trouve que les paroles de dire « allez, une fois que la pluie est passée, ça nettoie tout, ça fait du bien », je trouve ça chouette, et il y a une sonorité des années 60-70 de la musique noire, je trouve qu'il a assuré recréer une atmosphère que j'aime beaucoup, et le fait que ce soit Ed Sheeran avec sa voix, bah, je trouve ça génial. Make it rain tout de suite. The sins of my father weigh down in my soul. In the pain of my mother will not let me go. Well, I know come fire from the sky to refine the purest of kings. And even though I know this fire brings me pain, even so and just the same, make it rain, make it rain. Make it rain, oh, make it rain. Make it rain, make it rain down, Lord. Make it rain, make it rain. Oh, sea needs the water. Out of the ground, but it just keeps on getting hard. Hunger more profound. Well, I know there can come tears from the eye, but they may as well all be in vain. And even though I know these tears come with pain, even so and just the same, make it rain, make it rain down, Lord, make it rain. Make it rain, make it rain, make it rain down, Lord, just make it rain. belle ambiance dans la mécanique des ondes, choisie par Anissa. Je vous ai endormi un peu, non ? Non. C'est calme, hein ? C'est calme, mais ça fait du bien. Ed Sheeran, donc, avec Make It Rain, à l'instant sur Fréquence Protestante, dans la mécanique des ondes, avec Anissa Haddadi, d'Europe 1, qui partage avec nous son parcours radio. Alors là, on était au Studec, on sortait de RTL, du Studec. Presque, il y a des décennies passées, on dira. Oui, c'est ça, début du nouveau siècle, on va dire. Voilà, pour être c'est gentil. Mieux. Alors donc, l'après-Studec, comment ça se passe ? L'après-Studec, c'est effrayant, l'après-Studec, parce qu'on a son diplôme. Les profs ainsi que le directeur nous répètent à tous, ne visez pas Paris, vous êtes jeune dans le milieu, allez vous faire les dents en province, etc. Et, tout. Et en vrai, moi, je suis plutôt ouverte à ça. Je me dis, allez, ouais, faut aller sur une bonne petite radio, sympa. Mais bon, faut postuler et tout, ça y est. On rentre dans le vrai monde, quoi, donc ça fait un petit peu peur. Et j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai appelé une radio sur laquelle je voulais absolument travailler, c'était Maritima, qui est basée à Martigues, dans le sud. Et je leur ai dit, je veux absolument venir. Sauf qu'ils venaient d'avoir des élèves du Studec en stage et ça s'était hyper mal passé. Et le directeur me dit, mais non, on ne prendra plus personne du Studec. Et là, je lui dis, ah mais si. Et donc, je deviens psychopathe, hein. C'est-à-dire que je le harcèle. Je lui dis, si, je veux venir et tout. Mais il me dit, mais arrête d'insister, je t'ai dit non. Je dis, essayez. Si ça va pas, essayez. Il me dit, je crois qu'il a dit oui, il faut que j'arrête de l'appeler. Et ça s'est hyper bien passé, en fait. Et au début, c'était un stage à la fin de mes études. Et après, ils ont voulu me proposer un poste, mais c'était une radio qui était vraiment en développement. Aujourd'hui, c'est une énorme radio qui cartonne. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je suis contente pour eux, parce que je suis allée les voir il y a pas très longtemps, l'été dernier. J'étais de passage dans le sud, à Martigues, et je suis passée leur faire un bisou. Et c'est devenu une super radio qui cartonne, donc Maritima. Et j'étais très contente. Et je suis contente aussi qu'il m'ait donné ma chance, parce que ça y est, j'étais un peu lancée dans le grand bain. J'étais toute seule sur une antenne, je faisais les après-midi et tout. Et je lui dis, écoute, c'est pas possible, il faut maintenant que j'arrive à vivre. Il me dit, oui, nous, on peut pas te proposer le contrat dont tu rêves, etc. Et je dis, c'est pas grave. Et re-psychopathe, c'est-à-dire que dès que je cherche du boulot, je deviens psychopathe, je vais faire peur à tous les patrons de radio. Je décide d'aller à Clermont-Ferrand, puisque je suis originaire de là-bas. Et je décide d'aller à Clermont, à France Bleu, Pays d'Auvergne. Je toque, bonjour. Oui. Je dis, est-ce que je pourrais voir le directeur des programmes ? Alors, déjà, on me dit, moi, je dis directeur d'antenne parce que je venais du privé. Et on me dit, ici, on dit directeur des programmes. J'ai dit, pardon. Et vous voulez le voir pourquoi ? Parce que je veux candidater. Non, mais attendez, madame, ça se passe pas comme ça. Et tout. Et là, il passe derrière la banque d'accueil où je suis. Il me dit, oui, bonjour. Je dis, vous êtes le directeur des programmes ? Oui. Je dis, écoutez, ça tombe bien que je vous vois parce que je voudrais être animatrice chez vous. Donc là, il me regarde, il me dit, ok, c'est une folle, je vais quand même l'inviter dans mon bureau. Donc il me fait venir dans son bureau. Il me dit, est-ce que vous avez des piges, alors ce qu'on appelle des piges, c'est des extraits d'antenne de ce qu'on faisait. Donc je suis venue avec un CD, parce qu'à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui on envoie un mail avec un MP3, mais je viens avec mon CD. Et il écoute ce que je faisais sur Maritima. Il me dit, ah ouais, il me dit, c'est pas mal, hein, mais c'est très jeune. C'était de la radio jeune, hein. On tutoyait les auditeurs, etc. Mmh. On enchaînait des disques, 30 minutes de musique non-stop, etc. Et il me dit, on va essayer de faire quelque chose avec un format France Bleu. Et là, il regarde, je vois qu'il sort un planning, etc. Il me dit, alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir jeudi prochain, il y a un studio de libre, et tu vas me faire une émission format France Bleu. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc, c'est en train de vraiment de. Parce que j'étais tellement persuadée qu'on allait me dire non, que c'est pour ça que j'y allais au culot. Et là, donc, je viens le jeudi d'après, je fais une émission format France Bleu, il l'envoie à Paris, et une semaine après, Paris m'appelle en me disant, bonjour, on vous annonce que vous faites partie du planning. Donc, quand on fait partie du planning France Bleu, on est envoyé, tu vas faire une semaine de remplacement à France Bleu Cherbourg, tu vas faire une semaine de remplacement à Metz, tu vas faire 15 jours à Valence, etc. Mmh. Donc merci Michel Comte, je sais pas s'il entendra cette émission, mais merci à lui, parce que tout ça c'est parti de lui, c'était le directeur des programmes de France Bleu Pays d'Auvergne. Et j'ai fait 2 ans et demi à faire le tour de la France comme ça, et passer à Valence, à Metz, à Cherbourg, à Poitiers, c'était génial. C'est-à-dire que c'est aussi effrayant que génial. Quand vous arrivez dans une radio, vous connaissez personne et on dit « bon allez, tu fais le 16-19 hein ». Okay. Ouais, et puis il faut s'adapter aussi, je pense, à la particularité de la locale, quand il y en a ça. Aussi, la région. Imagine le nom des régions, le nom des villes. Imagine quand je suis arrivée à Metz. Comme j'étais. Et d'ailleurs, pour te dire, moi qui venais du sud, parce que j'étais basée à Marseille à l'époque, je suis arrivée à Belfort. Bonjour. Alors la radio s'appelle France Bleu Belfort Montbéliard. Tu sais que j'arrêtais pas de dire France Bleu Belfort Montélimar au début. Donc les gens devaient me prendre pour une folle, c'est-à-dire que mon premier jour d'antenne, je disais France Bleu Belfort Montélimar. Alors ça faisait beaucoup rire. L'équipe, le réalisateur qui était derrière la vitre, m'a collé un autocollant France Bleu Belfort Montbéliard sur la ville en me disant faut qu'elle imprègne vraiment. Et puis j'avais mon petit accent du sud, etc. Mais c'est la meilleure école, c'est-à-dire que j'ai fait le studio École de France. Et l'autre école qui m'a formée sur le terrain, c'est d'avoir fait partie de la brigade France Bleu, qui est géniale. Et quand on fait ça, en plus, on rencontre des gens qui, aujourd'hui, sont devenus soit des amis, soit des parrains du métier. Et c'était super. Et alors, comment un animateur de la brigade passe justement de remplaçant sur des locales à titulaire? Bah, ça s'est fait assez simplement, c'est-à-dire que j'étais à Belfort, je suis venue pour un contrat de 15 jours, et je sais pas ce qui s'est passé dans cette radio. C'est particulier à Belfort, il y a un microclimat, hein, il y a un nuage au-dessus de cette station. C'était plus un travail, c'était une colo. C'est-à-dire que les collègues sont devenus des amis, l'antenne c'était génial, l'émission qu'on m'a demandé de faire me correspondait totalement. Le directeur est content de moi, sur les 15 jours de remplacement, et là il me dit, bon... Je suis dans le train, il m'appelle, il me dit « Tu sais que Daniel, qui était un animateur, me dit va partir. Il va partir à La Rochelle. » Je lui dis « Bah oui, et donc ?» Il me dit « Bah, ça serait bien que tu postules. » Et là, je lui dis « Non, pas du tout. » Je lui dis « C'est pas une très bonne idée, j'ai 21 ans, je vais pas commencer à signer un CDI à 21 ans, je vais m'ennuyer. » Puis moi, j'aimais ce truc de tourner. Et là, sans mentir, le train, j'ai d'abord fait un Belfort-Paris et après un Paris-Marseille. Tout le long du train, je crois que toute l'équipe de Belfort m'a appelé les uns après les autres sur mon portable en me disant « Tu peux pas dire non, allez viens, allez signe !» J'ai dit « Mais ils sont tous fous là-dedans » Et donc je raccroche et donc je me retrouve toute seule dans le train à me dire « Mais est-ce qu'ils auraient pas raison ? Est-ce qu'il faudrait pas que je me pose quelque temps à Belfort ? J'ai tellement bien vécu l'expérience que... » Eh ben j'ai postulé, j'ai eu le poste, je me suis installée à Belfort et j'y ai passé... 7 des plus belles années de ma vie. Dont plusieurs années à la matinale aussi. Ouais, avec Stéphane Vaux, ouais, tout à fait. Et vous avez pu proposer des idées à vous dans cette tranche, justement ? Ah oui, ouais, bah c'était incroyable. Déjà, on a pu proposer le fait de faire une matinale à deux, qui ne se faisait pas sur le réseau France Bleu. On s'est battus, hein. Et les directeurs disaient... Alors, le directeur de Belfort qui avait signé, qui avait dit oui, tous les autres directeurs de la région lui disaient « Mais enfin, t'es complètement fou, ça se fait pas, on fait pas une matinale à deux, machin. » Il dit « Bah, écoute... » Il s'est battu pour nous, il dit « Laissez-nous jusqu'en janvier, on commence donc en septembre la nouvelle grille, laissez-nous jusqu'en janvier, et si vraiment en janvier tout le monde constate que c'est une erreur, j'arrêterai, je changerai ma grille. » Donc à nous, il nous dit ça, on lui dit « Bon bah d'accord. » Bon bah il a tellement pas constaté que c'était une erreur qu'on est resté 4 ans à faire cette émission tous les deux. Et oui, à chaque fois on proposait des jeux loufoques, des délocalisations... C'était assez dingue. Il y avait des joueurs du FC Sochaux parce que du coup, en plus de ça, je faisais les soirées foot avec Hervé Blanchard où lui commentait les matchs du FC Sochaux et moi je suivais le multiplex parce qu'à l'époque tous les matchs de Ligue 1 se jouaient ensemble. Donc j'étais très proche du FC Sochaux. Stéphane qui faisait la matinale était le speaker du FC Sochaux et un matin on voit un joueur de foot qui passe devant. La radio était toute vitrée, ça donnait sur la rue et on lui fait signe, viens, viens. C'était Jacques Fati à l'époque. Et il est venu et on lui dit « Vas-y, demain, lève-toi à 6h et viens faire la matinale avec nous. » Il dit « Ah, vous êtes fous, un joueur de foot, hein, se lever à 6h déjà, c'était un concept. » Et il s'est levé et il est venu faire 3h de matinale avec nous. Et c'était que ça. C'était, des fois, on faisait des journées spéciales, des jeux. Stéphane Vaux, qui faisait l'émission avec moi, était complètement fou. Il avait une idée par seconde, donc on s'arrêtait jamais. Et c'était vraiment très, très chouette. C'était une belle expérience. Une expérience. Et puis, pareil, la rencontre avec le FC Sochaux, qui est resté, puisque vous suivez encore le club aujourd'hui. Ouais. Bah ouais, parce que c'est... J'ai toujours bien aimé le foot, mais là, c'est la première fois dans ma vie que j'arrivais à allier passion et profession. Donc, c'était génial. Et en plus, ce club, il est très particulier. C'est-à-dire que c'est un club professionnel, certes, mais c'est un club familial qu'on a envie d'aimer. On ne peut que s'attacher à ce club. Et en plus, j'ai eu la chance d'arriver... parmi les dernières meilleures années du FC Sochaux Montbéliard. C'est-à-dire que en 2007, moi, je commence à travailler pour le FC Sochaux à l'antenne, à faire les soirées foot, etc. en 2006. en 2007, ils vont en finale de Coupe de France. On fait 14 heures d'antenne non-stop. Donc moi, je suis en studio à Belfort et il y a un journaliste qui est dans le train, un journaliste qui est au Stade de France, Hervé Blanchard qui commente le match, un autre journaliste qui a l'écran géant à Sochaux avec les supporters. Et donc moi, je fais un peu la coordination de tout ça et on suit la finale. Donc on a pris l'antenne très tôt avant la finale. On l'a rendue très tard puisqu'ils ont gagné. Donc on a dû garder l'antenne jusqu'à 1h du matin. Et ensuite, le lendemain, le dimanche, on reprend l'antenne pour le retour des joueurs, le bus à Impérial, machin, folie. Enfin, c'était incroyable, c'était génial et ce club est hyper attachant. Les gens qui bossent dans ce club sont hyper attachants, les joueurs sont super. Enfin voilà, j'ai que des très bons souvenirs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis qu'une simple supporter, mais une grande supportrice du FC Sochaux. On le voit sur les réseaux sociaux. Ouais, en tout cas. Je suis très à fond. Ouais. Donc du coup, France Bleu, Belfort, Montbéliard, hein, pas Montélimar. C'est contagieux. Arnaud, retiens-toi, ne mets rien sur la vitre. Je te vois bien. J'ai des autocollants. Mais alors du coup, cette aventure donc à France Bleu, ça aura duré combien d'années au total ? Eh ben au total, ça aura duré de 2004 à 2012. Je quitte France Bleu en 2012. Ouais, donc ça aura duré 8 ans. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter France Bleu ? Enfin déjà, est-ce que vous avez quitté vous France Bleu de votre plein gré ? Ah ouais, c'est moi qui ai donné ma démission. Là aussi, on m'a dit que j'étais complètement folle et tout. Mais des fois, je fais des choses un peu sans réfléchir, mais parce que c'est l'instant. Je me dis, on n'a qu'une vie, etc. Et j'ai 29 ans quand je commence à me poser des questions. Je vais sur mes 30 ans à la fin de l'année 2012 et je me dis, mais attends Anissa, c'est génial, c'est super, t'es en matinale à France Bleu, tout va bien, personne ne te dit rien, ça roule, les audiences sont là parce qu'il y a un taux de notoriété sur les locales de France Bleu, c'est quand même assez impressionnant. Dans chaque région, les gens sont très attachés à leur local. Je me dis, tout va bien en vrai, sur le papier, qu'est-ce que je peux espérer de plus? Je suis en CDI, déjà je fais de la radio en CDI, dans une super boîte, je fais la matinale. Ma fille est née à Belfort. Ouais, j'ai fait une franc-comtoise. Alors ça, si on m'avait dit ça un jour. Ma fille est née à Belfort. J'ai rien. J'ai tout pour être heureuse, en fait. Mais il me manque un truc. Il me manque le défi. J'ai envie de me frotter à des choses un peu plus compliquées. Pas que c'était pas compliqué, mais j'ai envie de me frotter à des gens qui m'écoutent, qui me disent « ça va pas hein. ». Parce que moi, j'avais un chef qui était génial. Tout allait bien. Il écoutait matin, matinal, il me dit « oh, super, super ». Et parfois, je pense que c'était pas super. On en avait conscience. Et j'avais envie de me challenger. J'avais envie. Donc, je prends rendez-vous à la DRH à Paris avec Jean-Étienne Poirier. Et je lui dis « voilà, Jean-Étienne, j'ai envie de partir ». Il me dit « pardon ». Je lui dis « oui ». Il dit « ouais, mais attends, il n'y a pas de problème, on va trouver une solution ». Puis là, il sort plein de papiers. Il me dit « alors attends, il cherche du monde. Attends, à Reims, tu veux pas y aller ?» Je dis « non, mais je suis en train de te dire qu'en fait, j'ai envie de partir vraiment. » De quitter le réseau, France Bleu. Ouais. Il me dit, non, t'as envie d'aller vivre à Paris? Je lui dis, oui, j'ai envie d'aller vivre à Paris, certes. Il me dit, on va trouver une solution. Reims ou Orléans? Mais je lui dis, je ne vais pas faire des allers-retours tous les jours. Pas que j'avais la flemme de faire des allers-retours. Mais je lui ai dit qu'en fait, je ne me sentais pas capable de m'investir pleinement dans une radio. Vous savez comment c'est, dit une radio. S'il faut rester un peu plus tard le soir, si vous voulez faire des trucs avec votre réalisateur, parler de choses, etc. et tout, on prend le temps de faire ces choses-là. Et je lui ai dit, je vais pas pouvoir m'investir dans une radio si j'ai les yeux sur la montre en me disant, il y a mon train qui une fois sur deux sera en grève en plus, donc voilà, j'y ai mon train, il faut que je rentre sur Paris, c'est pas possible. Il me dit, allez, vas-y, quitte. Il me dit, qu'est-ce que t'as envie de faire? Je sais pas. Il me dit, allez, quitte. Va te prendre des murs, va te confronter à des difficultés, tu seras toujours la bienvenue chez nous. J'ai trouvé ça très bienveillant de sa part. Et c'est comme ça que du coup vous vous retrouvez ensuite à Europe 1? Et c'est comme ça que je me retrouve à Europe 1, parce qu'en fait, Jacques Galois, qui était le directeur des études du Studec très très très très longtemps, donc 10 ans avant, il l'est toujours hein, actuellement, mais 10 ans avant, moi je fais mes études au Studec, on a gardé un contact, mais on s'écrivait pas tous les jours, et il apprend que je suis sur Paris. Et il m'envoie un message, il me dit « t'es sur Paris ?» Je lui dis « oui ». Il me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « bah j'ai donné ma démission de France Bleu ». Il me dit « t'es folle ?» Il me dit « t'as quoi ? Tu viens sur Paris, pourquoi ?» Je lui dis « pour rien ». Il me dit « alors tu m'envoies tout de suite un extrait de ce que tu faisais à France Bleu ». Je lui envoie, il écoute. Peut-être une demi-heure après, il me rappelle, j'étais dans le métro, il me dit « il y a un casting dimanche prochain pour Europe 1. Tu viens le faire ?» Je dis « je vais faire Europe 1. C'est beaucoup trop gros. Moi, je cherchais une petite radio à Paris, quoi. » Je dis « c'est beaucoup trop gros et tout. » Et puis voilà, on a fait le casting. J'essaye d'aller vite, mais voilà, on a fait le casting. Ça s'est hyper bien passé. On était nombreuses sur ce casting-là et c'est moi qu'ils ont retenu, à l'aveugle en fait. Jackie faisait les castings, il faisait des CD, il notait des numéros et après il faisait écouter à la direction et la direction disait bah, numéro 3. Et il s'avère que bon, ben, c'était moi le numéro 3 et j'étais hyper contente et ça fait 7 ans que je suis à Europe. C'était donc le début d'une grande aventure. Ah ouais, d'une magnifique aventure. Et d'un nouveau rôle aussi. C'est génial. On va en parler juste après la deuxième pause musicale, Anissa. Là, cette fois-ci, encore de la soul avec Aloe Black. Ah ouais, non mais ouais, j'ai un problème avec la musique soul, ouais, effectivement. Et en fait, j'avais envie au départ de vous choisir des chansons qui ont marqué mon parcours radio et mes débuts à la radio. Et en fait, je me suis dit non, je vais parler des choses que j'écoute en ce moment. Et cette chanson, elle me donne une pêche. Je la mets le matin dans le métro et après, je passe des journées géniales. Broken hearts everywhere, from stepping on her, we don't care. Somebody tell me what we gon' do. Even though it's plenty to share, people hungry in the streets, it ain't fair. But you don't think about it until it's you. Now I'm gon' say how I feel, and what I wanna say is love's the only thing that's real. Answer de Aloe Black, deuxième choix musical de Anissa Haddadi, ou Anissa d'Europe 1 également, qui est notre invité dans la mécanique des ondes. Alors, on parlait d'Europe 1 juste avant ce titre et de Jackie Gallois, donc grâce à qui vous avez pu tenter votre chance et obtenir ce rôle de meneuse de jeu. Jackie Gallois, d'ailleurs, a été aussi meneur de jeu. Oui, bien sûr, le premier. Ouais, et c'est rare au masculin dans ce métier, alors que le milieu de la radio est déjà majoritairement masculin. Moi, je vois ça. Est-ce que, du coup, il vous a donné quelques conseils Ah, bien sûr. Il nous a formés, il nous a donné des conseils, il nous a polis. On arrive, on est brut, en fait. Surtout qu'en plus, moi, j'arrive en tant qu'animatrice, donc je découvre un nouveau métier. Donc, meneuse de jeu, c'est complètement autre chose, mais c'est un métier super intéressant. Moi, ce que j'adore dans ce job de meneuse de jeu, c'est qu'on partage l'antenne. Aujourd'hui, je me reverrais pas du tout faire l'antenne seule. Et je suis pas du tout frustrée. Il y en a qui disent, ah, t'as moins de place qu'une animatrice et tout. Mais pas du tout. C'est juste que sa place, faut la trouver et faut se la faire. Mais, et avec les gens avec qui on partage l'antenne, mais c'est des rencontres incroyables. Et effectivement, Jackie nous a appris tout ça. Jackie nous a appris à exister tout en étant à sa place. Et c'est, ouais, bien sûr, mon métier, c'est lui qui me l'a appris. Ouais. Et alors, pour devenir meneuse ou meneur, hein, on ne sait jamais, ça peut revenir, de jeu à Europe 1, donc selon vous, quels sont les critères s'il y en a ? Aimer ce métier, il faut, je pense, être animatrice parce qu'on compte beaucoup sur les meneurs de jeu. Moi, j'ai comblé l'antenne des fois. Je me souviens d'une fois, il y a une déloc, il y a une émission d'Europe 1 qui se passe à l'extérieur et la ligne a coupé. Et moi, j'étais en studio parce qu'il y a toujours quelqu'un en secours et en général, c'est des meneuses de jeu. Et j'ai comblé 1 minute 30. Voilà, je peux vous dire qu'une 1 minute 30, parfois c'est court dans la vie, parfois c'est très très long. Et donc il faut être animatrice, il faut être un petit peu dégourdie à l'antenne et il faut surtout aimer partager l'antenne. Il faut aimer être avec d'autres gens autour de la table, avoir cette faculté-là de savoir rester à sa place tout en existant et en essayant d'apporter une valeur ajoutée à ce qui se passe dans l'émission. Mmh. Et une fois que vous avez tout ça, vous vous éclatez, hein. Il y a une adaptation, je pense, aussi, parce que vous jonglez entre plusieurs émissions, les émissions d'actualité, de divertissement, de musical. Je pense que ça fait aussi un peu un charme. Ah ben c'est génial. Il y a quand même une année, moi c'était l'année la plus folle. Il y a une année, je faisais 12h-14h avec Maxime Switek, donc 2 heures d'info, le grand journal du midi. Après, je faisais 14-15 l'émission d'histoire avec Franck Ferrand, donc rien à voir. Vous sortez du journal et après vous allez parler de Louis XIV. Et après, je faisais émission de foot avec Thomas Touroud. Tout ça dans la même journée. Mais c'était génial. C'est peut-être l'année la plus enrichissante professionnellement que j'ai vécue. Vous étiez, alors par contre, il y a une petite schizophrénie, hein. Peut-être que s'il y a des professionnels de la psychiatrie qui écoutent, ils doivent dire qu'il y a un petit début de schizophrénie. Mais ouais, c'est génial. C'était formidable cette année-là. Et alors, parmi toutes les émissions auxquelles vous avez participé et puis aussi fait des remplacements, c'est arrivé, sur laquelle est-ce que vous avez pris le plus de plaisir ? S'il fallait en citer une. Mais impossible ! Mais demandez-moi de choisir entre mon père et ma mère, Eddie. C'est impossible. Bon, deux alors. C'est impossible. J'ai adoré... j'ai tout aimé. J'ai adoré remplacer Julie sur la matinale avec Thomas Soto. J'ai adoré bosser avec Maxime Switek, c'était incroyable, c'est devenu un ami. Y a pas Péno est une émission qui m'a énormément marquée parce que j'ai appris plein de choses, j'ai fait des rencontres et j'ai une nouvelle fois pu allier ma passion pour le foot et la radio avec un mec en plus brillant, Thomas Touroud, c'est un mec brillant et moi j'étais fan de lui, j'arrêtais pas de dire à mes amis, regardez-le, il est génial, il faisait le Bifort sur Canal et je me retrouve à bosser avec lui quelques années après, enfin c'est magique. Non, tout, Franck Ferrand, 5 ans avec Franck Ferrand, ça m'a marqué, j'ai appris, j'ai une culture maintenant qui est hyper développée grâce à lui. Non, franchement, je dois oublier des gens, même l'année où j'ai fait 100% Europe 1 le dimanche avec Jackie Gallois, c'était super, je travaillais avec Wendy Bouchard, non, il y a franchement, je n'ai que des bons souvenirs à Europe. J'ai rien mal vécu en 7 ans. Et d'autres souvenirs qui vont venir encore avec la suite, puisque l'aventure continue. J'espère. Mais d'ailleurs, moi j'avais une question qui me traversait l'esprit. Vous avez fait beaucoup de co-animation, donc vous l'avez dit, 100% Europe 1. Mm-hmm. Il y avait eu les Tontons Flingueurs l'an dernier avec Carzéro et Ganesh. C'était génial, ouais. Et du coup, moi je me demandais, mais si, vous l'avez dit, refaire une émission en solo, donc ça ne vous tenterait pas. Mais si ça devait arriver, si vous deviez faire votre émission idéale à vous, à quoi elle ressemblerait ? Ah ben, je pense que ça serait un jeu. Moi, j'adore m'amuser, mais ça serait un jeu, mais avec du monde. C'est-à-dire que y aurait du monde autour de la table, il y aurait des auditeurs qui joueraient, et ça serait un jeu. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est déjà fait en radio, etc. Mais c'est difficile d'inventer des choses en radio. Mais oui, ça serait un jeu. Moi, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir d'avoir du monde autour de la table, que chaque personnalité apporte quelque chose, que ça soit une petite chronique, une touche d'humour, un peu de provoque avec un sniper, et puis des auditeurs avec qui on partage les choses. Alors je veux pas que ça soit un jeu avec un quiz. Je vous pose une question, il y a trois réponses, je choisis laquelle. Non, faudrait que ça soit un truc construit, un peu ce qu'on faisait sur Y'a pas Péno, qui était un peu le burger quiz du foot, qui était un truc complètement fou et qui, je crois, plaisait beaucoup aux auditeurs. Et ouais, je rêverais de faire ça, mais je pense que j'en suis incapable. Je rêverais de faire partie d'une émission comme ça, mais jamais de la piloter. Alors, on enverra l'enregistrement à la direction d'Europe. On ne sait jamais, bah, sur un coup de tête, ça peut marcher. Salut. À suivre donc. La mécanique des ondes. Un très beau parcours, Adissa Haddadi, ou Anissa d'Europe 1. Non mais avec les meneuses de jeu, j'ai toujours ce problème de dire le prénom plus loin, de plus loin, Europe 1. En tout cas, on va continuer nous ces dernières minutes ensemble avec une petite série de questionnaires. On va commencer par la question capsule, une question posée par l'invité de la précédente émission. Le mois dernier, nous avions reçu Bruno Dubois, donc ancien animateur radio et aujourd'hui directeur des programmes de Sud Radio. Ouais. On écoute sa petite question. Anissa, bonjour. On ne se connaît pas, je n'ai pas cette chance. On se connaîtra un tout petit peu mieux d'ici quelques temps, parce que je vous ai envoyé une invitation sur LinkedIn. J'espère que vous allez l'accepter. J'ai vu que vous étiez meneuse de jeu. Personnellement, je trouve que c'est un rôle très, très important, puisque c'est ce qui bonifie les émissions, surtout quand on travaille avec des journalistes. Vous avez suivi mon regard, vous m'avez compris. Mais ma question va concerner votre formation. Vous venez du STUDEC, comme on dit, le Studio École de France. Est-ce que c'est une formation et une école que vous aimeriez recommander si on vous pose la question « comment je peux faire ce métier plus tard ?» Alors, j'ai accepté son invitation LinkedIn, mais je ne savais pas qu'au moment où il m'avait demandé sur LinkedIn, il y avait effectivement, vous cachiez une petite question ici en direct dans cette émission. Non, oui, je recommanderais le STUDEC. Après, je le recommanderais à certaines personnes et dans certaines conditions. Il faut pas faire le STUDEC pour faire le STUDEC. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez faire et que la radio, ça vous amuse juste comme ça, ne faites pas le STUDEC. Le STUDEC, c'est plus qu'une école, en fait. C'est réellement une porte d'entrée dans les métiers de la radio. Donc, si vous y allez parce qu'après le bac, vous n'avez aucune idée et que ça vous fait marrer d'écouter la radio de temps en temps, ne le faites pas, enfin c'est pas un divertissement. Il y a beaucoup, enfin moi j'ai rencontré des jeunes qui le faisaient comme ça et qui se retrouvent au STUDEC en disant bon, bah du coup je sais pas trop quoi. Non, si vous êtes un passionné de radio, faites le STUDEC pour vous perfectionner, parce que vous allez côtoyer des professionnels de la radio qui vont vous former et parce que c'est une porte d'entrée. Parce que c'est plus facile, je suis désolée, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est plus facile d'arriver à Paris et de sortir du STUDEC avec un diplôme qui en plus est reconnu, donc si après vous voulez continuer vos études, vous continuerez. C'est plus facile de faire ça, plutôt que d'arriver de Clermont-Ferrand comme moi, après mon bac, et de toquer à toutes les radios en disant « bonjour, j'ai toujours rêvé de faire de la radio ». Je n'aurais jamais pu faire un stage à RTL, je n'aurais jamais pu rencontrer Michel Garnier, j'aurais jamais pu rencontrer Julien Mahé, qui aujourd'hui est un animateur radio et qui m'a beaucoup conseillé dans mon parcours. J'aurais jamais pu rencontrer tous ces gens sans le STUDEC. Donc faites-le, mais faites-le correctement et réfléchissez bien avant de le faire. Et le culot aussi, on l'a constaté, et ça marche aussi. Et un peu de culot, dans ce métier, faut un peu de culot, mais attention à la petite dose, hein, faut pas devenir fou non plus. On va terminer maintenant avec le questionnaire rapide. Ah là là, ça me fait peur depuis le début. Non, ça va bien se passer. Je ne pense qu'à ça depuis le début. Allez, c'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle. Oh, je savais que j'avais raison d'avoir peur. Mais il y en a trop. La première, celle qui vient. Allez, Julie Leclerc. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Europe 1. Quelle radio vous réveille le matin? Ah, alors... je vais me faire tuer par mes collègues, mais c'est Virgin Radio parce que ma fille est fan de Camille Combal et c'est ma fille qui décide tout à la maison. Quelle radio vous endort le soir? Les podcasts de Christophe Ondelat. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Bah partout en fait, j'ai une radio dans chaque pièce de la maison. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Et bah la seule pièce où il n'y en a pas, c'est aux toilettes. Votre meilleur souvenir de radio? Bah, la première fois que j'ai parlé dans un micro à 12 ans. Le pire? Le pire souvenir de radio? Oh là là. Je me suis retrouvée à co-animer une émission qui n'était absolument pas prête, sans conducteur, sans rien, et j'ai passé 2 heures d'horreur. Mais je vous en dirai pas plus. Et enfin, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? vis ta passion, essaye de faire le maximum, fais des rencontres et écoute la radio. Eh bien voilà, nous on a fini de vous écouter Anissa, en tout cas on a savouré vos paroles et votre parcours. On vous retrouve donc sur Europe 1, donc il y a le grand journal du soir en ce moment, 18h-20h. En fait, vous pouvez m'entendre de 14h à 20h tous les jours, 14-15 sur l'émission de Christophe Ondelat, et 18h-20h aux côtés de Nathalie Lévy dans le grand journal du soir. Très bien, et bien c'est noté. Merci à vous en tout cas d'avoir partagé avec nous votre passion de la radio, votre culot merci. Et le FC Sochaux. Allez Sochaux, on n'oublie pas. Et merci de l'invitation Eddy, je suis très touchée et c'était un très très bon moment, même si on n'a pas l'habitude d'être dans cette position d'interviewer. C'était très chouette, merci pour l'accueil.